bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans ce Lobster 182 rempli d'amour et de joie. J'enregistre ce Lobster 182 en cette belle journée, 1er février 2026, journée ensoleillée où le soleil se fait chaud sur ma peau. Même si on est encore en plein hiver, vous avez peut-être remarqué que le soleil en février semble un peu plus chaud qu'en décembre ou janvier. Et vous n'imaginez pas, non, vous n'êtes pas en train de rêver. Après le solstice d'hiver, les jours rallongent et le soleil commence à monter un peu plus haut dans le ciel. Ses rayons frappent donc la Terre avec un angle un peu plus direct. Résultat? Même si l'air reste froid, la lumière solaire nous réchauffe davantage et nous donne cette belle sensation de chaleur. Et même nos petits amis, un peu plus courts que la moyenne, les nains aussi profitent de cette chaleur, même si leurs yeux sont plus près du sol, ils sentent sur leur peau chiffonner le soleil tout autant que nous. Bref, février nous prépare doucement au printemps et nous offre ces petits rayons de soleil qui font du bien. Cette semaine, j'ai écouté un documentaire sur YouTube. C'est mon frère qui m'a envoyé ça. Ça se nomme « Pourquoi on gardait des nains à Versailles? » C'est très intéressant de voir comment les nains se sont taillés une place de choix à la table des grands rois et surtout dans les tableaux de plusieurs grands peintres. On voit ça là, dans le documentaire. C'est pas mal intéressant. Donc, pour remercier mon frère de m'avoir partagé ce beau vidéo, je vais partager avec lui là, cette chanson latine que j'ai découvert cette semaine. J'écoutais la rumba du samedi. Ben non, c'est pas ça. C'est un autre nom maintenant. Bref, c'est sur les ondes du 89.3 CISM. C'est le samedi. Une chanson caliente qu'on trouve pas sur YouTube. Non, elle se nomme Nuncas Mas. Ça veut dire plus jamais. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, je pense que j'étais en auto. Je me rendais au marché aux puces Saint-Michel. Puis moi, dans la chanson, j'arrêtais pas d'entendre « Ti bonhomme ». Puis là, bon, ça me plaît immédiatement. Donc, j'ai réussi à la récupérer et je vous mets tous au défi de l'écouter, de voir si vous aussi vous entendez dans le refrain « Ti bonhomme ». Donc, je me demande vraiment ce qu'elle chante en vrai. J'ai pas trouvé les paroles. Déjà, pour la chanson, là, j'ai dû récupérer le début sur Apple Music. Il y avait un preview sur Apple Music de 47 secondes. Puis sur un autre site, eux, ils présentent juste la fin. Fait que j'ai été ramasser la fin. Puis dans Audacity, j'ai recollé tout ensemble. Puis ça m'a permis d'avoir la chanson au complet, là, plutôt que payer 1,19$ pour l'acheter. Bref, on l'écoute. Ma chanson du petit bonhomme. ¿Quién es ese idiota que está a tu lado en ese poste? Vaya chico, ¿quién estaba esperando aquí en casa? Otra vez tus monientes valientes con una chica. Tus famosas palabras han hecho que tu Twitter se dispare. Si sabes que la verdad saldrá a la luz, conmigo no, nunca más. También te has acostumbrado. Cette semaine, j'ai abandonné un jeu. Un jeu, je pense que j'aimais. Ben, en fait, je suis pas si sûr si je l'aimais ou pas. Je pense que je vous en ai déjà glissé un mot là, dans un autre Lobster. C'est le jeu s'appelle Kenshi. C'est un jeu de survie qui se passe comme dans un monde désertique. Et punitif surtout. C'est juste de la petite misère dans le jeu tout le temps. Tu commences en faisant ton perso et ensuite, ils te disent d'écrire toi-même ta légende. Il n'y a pas de mission, il y a un mini-tutoriel, là, mais vraiment, c'est juste pour dire. Le but, c'est simplement de survivre là, dans ce monde-là qui est immense. Moi, j'ai joué et j'ai essayé d'écrire la légende de Solaris. Vous devez savoir que Kenshi, bon, c'est un jeu, comme j'ai dit, qui ne te fait jamais de cadeaux. Tu lances le jeu pour te retrouver en plein désert et au départ, faut courir. Tu l'apprends assez vite. Faut courir au plus vite dans une ville proche. T'es tellement miséreux en partant que faut pas rester dehors. Moi, la première fois, j'ai pas réussi à me rendre à la ville. Un monstre, un genre de sauterelle géante m'a tué. Bref, j'ai dû recommencer pour refaire un personnage. Et bon, la deuxième fois, j'ai réussi à arriver à la ville. Là, ton aventure commence. Ce qu'il faut faire en premier, bon, c'est monter ta statistique de course, car au début, il faut toujours se sauver. Et donc, il faut pouvoir courir plus vite que les autres. Et pour faire ça, il faut se remplir le pack-sac de roches, trouver un corps mort, le mettre sur ton épaule et courir de ville en ville. Ça fait monter ta stat de course quand tu te déplaces là, chargé comme une mule. Ensuite, après avoir fait ça, j'ai demandé à Solaris de miner. Oui, miner du cuivre pour le revendre et m'équiper un petit peu. Et bon, je suis allé attaquer un premier vagabond qui avait eu la bonne idée de passer pas trop loin de moi. Enfin, mon premier combat contre un misérable vagabond qui, en quelques coups, m'a tabassé. Et oui, donc j'ai attendu un peu après avoir mangé ma première raclée du jeu. Quand je suis sorti du coma, je suis retourné à la ville. Et je me suis guéri. C'est important. Si tu ne guéris pas dans ce jeu, ça dégénère assez vite. Et je ne sais pas si c'est la gangrène ou je ne sais pas quoi d'autre, mais la maladie se répand rapidement dans ton corps et il peut y avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, bien guéri, Solaris a recommencé à miner. Un petit filon juste à côté de la porte de la ville. Et quand on me prenait pour cible, vite, vite, on court à la porte de la ville, ce qui m'a permis de me faire un peu de crédit. Et qui dit crédit, dit meilleur équipement. Donc, armé d'une vraie arme, d'une armure, je suis allé attaquer un autre vagabond qui avait eu la bonne idée de passer à proximité de moi. Et bon, quand je me suis fait tabasser pour la deuxième fois, quand je suis sorti du coma, je suis retourné à la ville. Et là, j'ai changé de tactique. Les vagabonds, bon, c'est pas mal les moins forts du jeu. Donc, si je suis trop faible pour les tuer, ça augure, bon, plutôt mal pour la suite. Mais comme je cours vite, nouvelle tactique, j'attire les vagabonds proches des portes de la ville et les gardes les tuent à ma place. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ramasse l'équipement sur les morts pour le revendre. Mais bon, faut faire vite. Le jeu, il est quand même intelligent. Assez intelligent là, pour pas te faire de cadeaux. Donc, les gardes qui tuent les vagabonds, ils les lootent aussi vite qu'ils peuvent. Bref, le jeu ne fait aucun cadeau. Mais quand même, après quelques temps, j'ai réussi à me faire quand même assez de crédit pour aller à la taverne et j'ai engagé un ami. Je l'ai appelé gratteux car pour 3000 crédits, bon, j'ai dû vendre tout ce que j'avais et gratter les fonds de tiroir. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai envoyé gratteux miner. Pendant que lui minait, Il retournait à la ville là, pour vendre son cuivre et nous rapportait un peu d'argent. Eh bien, Solaris, lui, s'entraînait. Bref, j'ai fait ça pendant un petit bout de temps et quand on a eu 10 000 crédits, qu'on était riche, on est allé voir les shinobis de la ville. Oui, en me promenant, j'avais remarqué qu'il y avait une tour dans notre ville, la moitié en ruine. Et bon, on est entré dans leur guilde et pour 10 000 crédits, ça nous a permis d'avoir accès à l'équipement des Shinobi. Donc, ça nous a permis de nous entraîner un peu, car dans leur tour, il y avait de l'équipement d'entraînement qu'on pouvait utiliser comme si on était à Miami. Donc, Gratteux et Solaris se sont entraînés au vol, au combat, au crochetage, mais pas beaucoup. On a réussi à monter nos stats de combat à 10 sur une possibilité de 100. Donc, on n'était pas très fort, mais on était confiants. Après cet entraînement, on est partis tous les deux, Gratteux et Solaris, attaquer un vagabond. Et bon, comme vous vous en doutez, on s'est fait tabasser tous les deux. Et, et malheureusement, Gratteux a perdu un bras. Et oui, dans ce jeu, tu peux perdre des membres quand ça va pas bien. Bref, on n'était pas encore assez fort. Donc, retour au village, j'ai donc renvoyé, on s'est guéri, et j'ai renvoyé Gratteux miné pendant que Solaris cherchait une nouvelle solution. Mais bon, j'ai rapidement remarqué que Gratteux minait plus aussi vite, n'était pas comme avant. Avec juste un bras, c'était le retour de la petite misère. Bref, on faisait pas beaucoup d'argent, on avait de la misère à se nourrir. Donc, Solaris est venu à son secours et est allé miner lui aussi. Ce qui a permis, bon, de payer la nourriture, on a réussi à mettre un petit peu de crédit de côté et retour à la taverne où j'ai engagé un nouveau coéquipier dans la bande. Et oui, cette fois, une femme qu'on a appelée Salade qui s'est jointe à notre équipe de miséreux. Bon, à ce jour, je n'ai toujours pas donné de nom à notre gang, car il y a un endroit là, dans le jeu où tu peux donner le nom à ton équipe. Mais moi, je me suis dit, on va attendre d'avoir des exploits à notre actif avant de donner un petit nom là, à la bande. Je me suis donc dit que c'était mieux d'attendre d'avoir au moins un haut fait à notre actif avant de se donner un nom. Donc, à ce moment, Salade a rejoint Gratteux et ils se sont mis à miner. Ben oui, à miner tous les deux. Quand même à deux, ça a permis d'améliorer un peu les choses. Ils ramassaient assez d'argent pour qu'on arrive à se nourrir. Car oui, bon, si tu manges pas, tu meurs assez vite. Et c'est vraiment coûteux quand même nourrir trois personnes. Bref, à deux qui minaient, Solaris pouvait continuer à explorer les environs. Bon, est-ce que je vous ai dit que la map est vraiment immense? Oh oui, et c'est rempli de surprises. J'ai été dans une zone qui était quand même pas très loin de notre village et où il y avait des guerriers sacrés. Je pense que c'est écrit « Holy Warrior » qui, plutôt que de m'attaquer, ont décidé de me parler. Et ils m'ont donné un livre, un genre de livre de prière et m'ont dit « Tant que tu vas garder ce livre sur toi et que tu vas prier notre Dieu, eh bien, on va être tes amis. » Et en plus, ils m'ont donné un sac de nourriture qui valait 700 crédits. C'était comme incroyable. Pour la première fois dans le jeu, quelque chose de bien nous arrivait. Mais bon, je vous rassure tout de suite, c'est la seule fois que le jeu nous a fait un cadeau. Car dans ce jeu, la misère rôde toujours. Solaris est donc reparti en exploration et a trouvé un genre de complexe abandonné. Comme je m'étais entraîné chez les Shinobi là, au vol, au crochetage et les affaires du style, j'ai réussi après plusieurs essais à ouvrir la porte et à entrer dans un bâtiment abandonné pour y trouver plein de choses que j'ai ramassées et ramenées à la ville pour les vendre. On avait enfin un petit peu de sous devant nous. Ensuite, on s'est équipés tous les trois. Solaris, Salade et notre manchot Gratteux, et on a décidé de partir former notre propre base. Fini le village qui nous protégeait, on va avoir notre propre base. Donc, le jeu est quand même bien fait pour ça. Tu peux automatiser ce que ton équipe fait. Là, tu peux passer de personnage un après l'autre. Tu peux décider d'en jouer un pendant que les deux autres t'automatisent les tâches là, qu'ils font en boucle. Donc, on s'est construit une petite maison et j'ai envoyé Salade miner de la roche à proximité, ce qui a permis de faire des genres de boîtes à matériaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin là, pour faire des bâtiments, des clôtures, enfin bref, pour faire des choses pour se protéger. Pendant ce temps, Gratteux, avec son unique bras, lui, minait du fer, lentement, mais Bon, on ne pouvait pas lui demander mieux, mais il arrivait quand même à nous faire à la fin des barres de fer. C'est une autre affaire que tu as besoin là, pour améliorer les choses, puis un peu pour progresser là, dans l'arbre des technologies. Solaris, lui, pendant ce temps, fidèle à lui-même, faisait des allers-retours en ville pour nourrir la bande. Et finalement, bon, en ville, j'ai trouvé à vendre des graines et on a pu se mettre à planter des choses. Et je vous le dis, c'est pas un secret, ça sert à pas grand-chose, la culture. Bon, oui, un peu, mais c'est tellement long. Faire du pain à partir du blé qui pousse, c'était vraiment pas viable là, de se nourrir sur nos seules cultures au départ. Donc, retour en ville, on engage une nouvelle personne dans la bande. Et oui, notre quatrième ami, Burg, qui se ramène à la base. Lui, bon, il va automatiser la culture, le ramassage de l'eau, faire du pain pendant, bon, pendant que, oui, Solaris, mon personnage principal que je joue toujours, lui, explore, vole et essaye de ramasser des crédits pour faire vivre notre bande de miséreux. Bon, tout ça a bien été pendant un certain temps. À un moment donné, on avait une petite maison entourée de clôtures et c'est là qu'est venu le temps d'être puni par le jeu. Et oui, au départ, quand t'as rien autour de ta maison, ça va. Mais dès que tu mets des machines, ça fait comme augmenter ton niveau technologique de ton petit village et boum, tu reçois un message qui dit « Des bandits se dirigent vers votre village ». Puis ça, c'est pas bon signe quand t'as ce message-là. Et en plus, des bandits, c'est plus fort que des vagabonds. Et comme à 2-3, on n'arrivait pas à tuer une bande de vagabonds, vous imaginez bien qu'une bande de bandits, c'était la mort assurée. Donc, j'ai demandé à Salade, Burg et l'autre manchot de se cacher dans une des maisons. Ils ont barré la porte, puis ils ont attendu que Solaris revienne en courant, armé de son sabre. Bon, les bandits ont frappé à la porte, ils ont demandé qu'on leur ouvre, mais j'ai préféré ne pas répondre. On ne répond pas aux méchants, non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bandits ont défoncé notre clôture, puis ils se sont mis à rôder autour de notre maison. Ils marchaient dans nos champs, autour de nos machines. Mais comme on était pauvres, ils ne volaient rien, ils ne brisaient rien. Bon, tout ce qu'ils faisaient, c'était de rôder. Donc, la misère, ça a quand même du bon. Quand t'as rien, on peut pas vraiment te voler. Et là, le grand sauveur est arrivé. Oui, oui, Solaris est arrivé au village. Celui dont j'essaie toujours de bâtir la légende. Et évidemment, en le voyant arriver, tous les bandits se sont mis à lui courir après. Et Solaris, dans sa grande intelligence et courant plus vite que n'importe qui, bon, ce qui sera probablement sa seule force dans le jeu, a couru jusqu'au lac et s'est tiré dedans. Car, bon, j'ai remarqué que c'est le seul endroit où les monstres ou les ennemis ne nous suivent pas, quand on est dans l'eau. Donc, Solaris, c'était ça son idée. Il pensait que ce serait un bon plan pour éloigner les bandits, mais non! Laissant Solaris se baigner et patauger dans l'eau, les bandits sont repartis rôder autour de la maison. Donc, gratteux salaire des bergs, toujours cachés, eux attendaient en silence dans la maison. Et plus le temps avançait, plus ils avaient faim. Alors, ben là, Solaris a eu une idée. Il est retourné voir les bandits en courant qui, bon, immédiatement lui ont frappé un petit peu sur le crâne. Mais une fois lancé, rien ne peut l'arrêter. Solaris a couru comme seul lui sait le faire. Et il a entraîné les bandits chez les voisins. Oui, vous vous souvenez, les gens de guerriers là, sacrés du début, là, les Holy Warriors, qui lui avaient donné le livre de prière. Eh bien, eux se sont occupés des bandits. Enfin, Solaris a pu appeler toute sa bande et on a pillé tous les bandits que les guerriers sacrés l'ont tué un après l'autre. Et pour la première fois dans le jeu, je pense qu'on a bien mangé. En vendant tout le matos, on a réussi à se payer un bon repas à la taverne. Ensuite, de retour à la maison, bon, on a réparé notre clôture, heureux d'avoir enfin trouvé une méthode efficace et payante pour se débarrasser des bandits. Solaris, bon, a donc envoyé la main à sa bande et est reparti comme à son habitude en exploration pendant que les autres s'occupaient de faire tourner notre petit village. Ça allait tellement bien qu'on a même réussi à un moment donné à se construire une éolienne pour avoir le courant au village. Les choses allaient vraiment, vraiment bien et même Gratteux espérait qu'un jour, on aurait assez d'argent pour lui payer un nouveau bras mécanique. Mais bon, ça c'était sans compter que le jeu avait décidé tout autre chose pour notre bande de miséreux. C'était l'heure de nous punir et oui, on avait construit une deuxième maison dans notre petit village, ça allait trop bien, notre niveau de technologie avait progressé et on a eu droit à une nouvelle visite d'amis. Cette fois, ce n'était pas des bandits. Non, ce sont les ninjas, les ennemis jurés des guerriers sacrés qui sont arrivés, qui se sont dirigés vers notre village. Donc, rebelote, on sait quoi faire. Gratteux, Salade et Berg rentrent dans la maison, barrent la porte, on se cache, on fait pas de bruit. Les ninjas arrivent, demandent qu'on ouvre la porte, on répond pas. Eux défoncent la clôture et tout ce qu'ils voient, eh bien, il voit le grand héros Solaris qui arrive en courant comme le plus rapide des chevaux. Bon, petite tape sur le crâne de Solaris et bon, il se fait poursuivre par les ninjas jusque chez les guerriers sacrés. Et bon, les ninjas ont massacré jusqu'au dernier des derniers guerriers sacrés. Le massacre terminé, les ninjas ne nous ont pas oubliés. Ils sont retournés à notre village qu'ils refuseront dorénavant de quitter. Et pendant 3 jours, je vous dis là, 3 jours de jeu réel dans ma vraie vie, j'ai tout essayé pour les faire fuir. Puis chaque jour, je racontais mes aventures à mon garçon qui lui ne faisait que rire de moi. Donc après 3 jours sans solution, je me suis résigné et la bande de miséreux et moi, on a tout abandonné. Toutes nos ressources, tout ce qu'on avait construit, tous nos petits villages. Et bon, Solaris avait un plan. Il s'est promis que ce crime ne resterait pas impuni. On est donc partis tous ensemble jusqu'au village de départ. Puis on s'est acheté une petite maison. Puis on a développé toutes les technologies possibles de notre niveau parce qu'à un moment donné, pour aller plus loin, tu dois avoir des affaires spéciales que nous, évidemment, on n'a pas. Donc, on a développé toutes les technologies possibles, accessibles à notre niveau et on s'est formé sur plein d'affaires. Et les 4 de la bande sans nom sont retournés pour tabasser les ninjas et reprendre le contrôle de notre petit hameau. Bon, vous vous en doutez, évidemment, ça ne s'est pas passé comme on pensait. Salade est morte. Et oui, au départ, on a réussi à tuer un ninja. À 4 contre 1, on a réussi à en tuer un. Mais rapidement, les 7 autres sont arrivés et nous ont tabassés. Et dès qu'on sortait du coma, on allait se réfugier dans l'eau. Mais je ne sais pas pourquoi, les ninjas sont plus intelligents que les bandits. Et bon, ils ont retabassé Salade qui pataugeait dans le lac. Et finalement, Salade est morte, noyée. Bref, après 3 jours, je me suis tanné. Bon, j'ai été lire un peu les tutoriels sur le jeu en ligne, là. Bon, puis j'ai appris qu'on pouvait engager des guerriers dans le jeu pour nous protéger. Donc, on a essayé ça. Solaris a engagé pour 10 000 crédits une bande de guerriers et on est parti reconquérir notre petit hameau. Mais bon, les ninjas, c'est des ninjas, hein? C'est fort un ninja, et ils ont tué toute la bande de guerriers pendant que Solaris se sauvait en courant. Heureusement, bon, Solaris, lui, il courait autour du village puis regardait le combat se dérouler pas en sa faveur, mais en se cachant, j'ai pu piller tous les guerriers morts et me refaire un petit peu d'argent. Je suis donc retourné au village et j'ai engagé une deuxième bande de guerriers, et cette fois, vu que les ninjas, bon, on avait quand même tué les guerriers en avaient quand même tué quelques-uns, vu que leur bande était moins grosse, on a enfin reconquéri notre place. Et pendant 5 jours de jeu, ce fut le bonheur parfait. Je vous dis 5 jours de pur plaisir. On a tout reconstruit, on a refait les clôtures pendant que les guerriers que j'avais engagés nous protégeaient, tournaient autour de notre village et nous protégeaient dès que quelqu'un passait. Quand j'y repense, là, c'était la belle vie. Mais bon, après 5 jours dans le jeu, les guerriers nous ont dit « Au revoir, notre mission auprès de vous est terminée! » Et le lendemain, une bande de ninjas est arrivée aux portes de notre village. Et bon, je vous épargne les détails, mais on a reperdu notre village. Thank you. est-ce que je vous ai dit que nous étions un groupe de personnes de petite taille? Je sais pas si c'est important puis ça influence le jeu, mais quand tu crées ton personnage au départ et ou que tu engages là, d'autres personnes à la taverne, eh bien, on peut les mettre à notre goût. Puis moi, j'avais décidé, bon, qu'on serait tous des personnes de petite taille, mais je sais pas si c'est pour ça que le jeu ne nous aimait pas et qu'il nous lâchait pas, mais bon, on a été obligés, là, mon petit groupe de miséreux et Solaris, de retourner à notre minable maison qui était protégée dans la ville. Bon, c'est un peu la misère, cette maison, là, quand t'as juste l'intérieur de la maison qui est à toi, tu peux pas cultiver dehors, tu peux pas mettre de machine là, upgradée dehors. Bref, c'est la misère quand même de vivre en ville. Donc, j'ai enfin décidé là, que c'était assez et qu'il fallait pouvoir se défendre nous-mêmes. Donc, j'ai remis Berg et Gratteux au minage pour faire un peu d'argent. Puis Solaris, lui, est parti pour se former, pour devenir le guerrier le plus puissant du jeu. C'était ça, mon objectif. Donc, je me suis mis à tuer des vagabonds. À un contre un, ça le faisait. Après, des bandits. À un contre un, ça le faisait. Les stats de combat étaient en progression. Et finalement, Solaris est parti explorer les Outlands, les terres lointaines. C'est une partie de la map juste à côté de notre zone de départ. La map, là, dans ce jeu, là, est immense. C'est le fun à explorer quand tu cours vite. Donc, j'ai envoyé Solaris explorer pendant que j'automatisais bon, le minage à la ville. Puis c'est là que j'ai vu que Solaris clignotait en rouge. Car oui, bon, on peut passer d'un personnage à l'autre pour les jouer, mais quand ça va mal, tu vois clignoter. Si tu vois un personnage qui clignote en rouge, ben, ça te permet de revenir à lui parce que ça veut dire que ça va pas bien. Mais quand je revenais à Solaris, je me suis rendu compte que non. Aucun ennemi ne lui courait après, aucun combattant autour de lui. Tout semblait bien aller, mais c'est là que j'ai vu qu'il avait, bon, qu'il avait commencé à mouiller. Et c'était pas de la pluie normale, non, il tombait de la pluie acide sur Solaris. Donc, Solaris, à cause de ça, était en train de mourir. Donc, vite, vite, vite, j'ai fait courir Solaris jusqu'à un genre de poste de garde qui, évidemment, était barré, mais pas de trouble. On s'était quand même entraîné, là, je vous l'avais dit, chez les Shinobi au départ. Donc, ouvrir une porte était à notre niveau. Donc, Solaris avait les compétences nécessaires et miracles à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'on était protégé des pluies acides. Mais, bon, malheureusement, le toit ne protège que de la pluie, pas des araignées robotiques qui, ont tabassé Solaris. Bref, Solaris s'est fait tabasser par une grosse araignée dans ce poste-là et est tombé, une fois de plus, dans le coma. Solaris étant sur le sol, j'ai mis le jeu sur avance rapide pendant que l'araignée là, rôdait autour. Puis là, j'ai laissé le jeu tourner un certain moment pour essayer de décider qu'est-ce que j'allais faire. Puis après un certain temps, j'ai vu un guerrier super puissant qui est venu dans le genre de petit poste où j'étais tombé et dans le coma. Puis lui, il a tué l'araignée de merde. Puis bon, il a ramassé ce qu'il y avait dans les coffres et il est reparti. Donc, ne restait qu'à Solaris de sortir du coma et on était bon. Mais bon, c'est à ce moment que j'ai remarqué que le statut comatique de Solaris était passé à mourant. Et en plus, Solaris, bon, avait perdu un bras. Bon, plan de dernier recours. J'ai demandé à Berg, qui était au village, le moins pire bon de la bande, je me suis dit, on va l'envoyer en aide à Solaris, car oui, Berg peut guérir. En fait, tous mes miséreux peuvent donner les soins de base. Mais comment dire, Berg, il a miné toute sa vie, donc c'est pas le meilleur à envoyer comme sauveteur, mais l'autre est pas mieux. Donc, on tente le tout pour le tout. Berg va s'acheter un kit médical et part rejoindre Solaris. Mais bon, vous vous souvenez pourquoi Solaris est rentré dans l'avant-poste avec l'araignée? Et oui, la pluie acide. Eh bien, pas de chance, il mouille encore et Berg va malheureusement mourir en chemin. Il est moins bien équipé que Solaris, évidemment, et il va mourir en essayant de traverser une petite rivière remplie d'acide. Donc, dernier espoir, je prends le contrôle de notre dernier miséreux debout. Il voudra bien tenter quelque chose, mais le temps de s'équiper, de réunir la bouffe nécessaire au voyage et de trouver une armure permettant de supporter cette pluie acide, le jeu va me laisser savoir, via un petit message, que Solaris a cessé de souffrir et qu'il a rendu l'âme. Et moi aussi, bon, là-dessus, je me suis dit, c'est assez de souffrir dans ce jeu.

Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? Bon, est-ce que je vous conseille d'essayer Kenshi? Non, je pense que c'est trop méchant comme jeu. Ensuite, bon, c'est pas un jeu où tu contrôles comme à la première personne, là, comme dans, disons, Skyrim. C'est plus une vue de haut, puis où tu automatises un peu ce que les bonhommes font. Bon, mon garçon, lui, m'a dit que c'était laid comme jeu, là. C'est un jeu qui est sorti, je pense, en 2018. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose dans ce jeu qui fait que moi, je l'ai aimé. Bon, donc je pense que c'est un jeu que tu aimes ou que tu aimes pas. Moi, je vais sûrement essayer de rejouer pour essayer de le maîtriser. Dans le jeu, j'ai vu, là, la map est vraiment immense. Là. Moi, j'ai juste visité autour d'où on partait. Mais il y a des zones qui sont contrôlées par des cannibales que j'ai pas visitées. Il y a une zone de marais où on nous dit qu'il y a des grosses villes et que c'est un bon endroit parce que où établir notre ville à nous parce qu'eux, dans le marais, ils achètent les choses. Ils nous vendent les choses beaucoup moins chères puis ils rachètent à plein prix. Bref. Il y a plein d'endroits comme ça à découvrir. J'ai vu des images où il y a comme des monstres immenses, gros comme des dinosaures qui vivent à certains endroits. Je ne sais même pas si on peut les tuer. Bref, le jeu il est rempli de surprises. À un moment donné, j'explorais une zone où les Holy Warriors, puis je suis arrivé comme dans un canyon où eux contrôlaient plein d'esclaves, puis ils faisaient travailler pour construire une immense statue pour leur dieu. Bref, il y a plein de choses à découvrir, on dirait, dans ce jeu-là. Mais là, bon, quand je l'ai lâché, j'ai commencé à jouer à Cyberpunk. C'est un jeu bon qui est tellement plus réaliste, là, plus actuel, basé un peu sur Blade Runner. C'est vraiment beau dans ce jeu-là. C'est le jeu qui était immensément buggé là, lors de sa sortie, puis qu'ils ont même dû rembourser là, tous les joueurs. Mais là, le jeu est rendu à point. Il a été patché de multiples fois, puis il est rendu magnifique. Moi, j'ai joué plusieurs heures, quelques heures. J'ai eu aucun problème, tout va bien. Il y a peut-être juste une fois où j'ai eu un bug. Dans le jeu, on peut dire à sa voiture de venir nous retrouver parce qu'on se déplace beaucoup dans la ville en voiture ou à moto. Puis j'ai fait venir ma voiture, mais comme j'en avais deux voitures, puis ils sont arrivés une par-dessus l'autre. Fait que c'était juste drôle, là, un petit bug dans le jeu. Mais c'est tout ce que j'ai vu dans toutes mes heures de jeu. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué? Parfois, les dialogues sont un peu longs. On peut cliquer pour les passer, mais il y a certains dialogues, comme à un moment donné, on tombe dans un interlude où ce qui nous explique quelque chose là, qui a rapport à l'histoire principale, mais ça dure 30 minutes. Puis quand j'ai passé ce bout-là, ça me tentait, moi, de tuer du monde puis de me battre. Puis là, j'ai été comme pogné 30 minutes à écouter les histoires, puis à passer, puis à jouer un petit peu. Bref, c'est la seule affaire que j'ai pas aimée à date, mais sinon, le jeu là, est vraiment bien fait. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Je vous laisse avec les épisodes 20 et 21 du Grenier Pop. Épisode 20, je parle d'émission jeunesse, je crois, oui. Puis l'épisode 21, qui va être diffusé le 6 février, je parle de l'espace et de la mission Artemis 2, qui est en cours, où on envoie un premier Canadien dans l'espace. Puis bon, la mission Artemis 3, lui, elle, qui va se déployer autour de 2028, c'est le retour des hommes sur la Lune. Donc, je parle un peu de tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, puis on se reparle bientôt. Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes de CIBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier qui recèle une multitude de souvenirs. Et cette semaine, on n'a pas besoin d'images, pas besoin d'écran. Il suffit souvent de seulement quelques secondes. Deux notes, parfois même un seul accord et tout revient d'un coup. Le salon. Le divan, l'heure précise de la journée. On se revoit enfin assis trop près de la télé. Donc, cette semaine, on s'amuse avec les thèmes musicaux des dessins animés de notre enfance. À l'époque, ils étaient conçus pour frapper vite et fort parce qu'il n'y avait pas de bouton skip, pas de bouton pause sur la télé. Si on manquait le début, on pouvait manquer le dessin animé. Alors, ces musiques devaient faire quelque chose d'essentiel. Nous dire instantanément, c'est ton émission et ça commence maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, des décennies plus tard, on reconnaît ces thèmes-là en 2 secondes à peine. Donc cette semaine, on tend l'oreille et on essaye de deviner le nom de l'émission Jeunesse. Première émission, c'est une émission de télévision québécoise diffusée du 4 janvier 1979 au 9 juin 1983 à la télévision de Radio-Canada. La la la la la la la la la la la la la. Ok, arrêtez ça là! Arrêtez ça là! Ok. Hey, vous autres, je veux vous parler, ok? J'en ai gros sur le cœur, je vous avertis. Qu'est-ce que j'ai entendu dire là? Hein? Que Pop Citrouille, ça serait une émission comme les autres, qu'on peut écouter ça n'importe comment? Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est fini ce temps-là, ok? Fini. F-F-E-N-N-I, fini. Hey! Ça pense que parce que c'est chez eux, ça peut faire ce que ça veut. Mais oui, Andor, oui, Andor. C'est pas libre, cette émission-là. Là. C'est comme partout ailleurs, il y a des règlements. Hey, ça fait un bout de temps que je veux vous parler. Puis laissez-moi vous dire que trop, c'est trop. Je vous check, hein. Ça parle n'importe quand, hein. Ça rit quand c'est pas drôle. Ça applaudit comme ça veut. Ça arrive en retard. C'est à 4h30, l'émission, hein. C'est pas à 5h moins quart. Ceux-là qui vont arriver tantôt, là, qui vont allumer le TV, là, pensez-vous qu'ils vont comprendre de quoi quand je vais revenir, hein? Non, mais tu sais, hein, ils vont-tu comprendre, hein? Ben non, non, ils comprendront pas. Ça fait que là, là, à partir de maintenant, OK, il y a un boss ici, puis c'est moi. OK? Vous faites ce qui est écrit là-dessus, puis ça va bien aller. OK? Hein? Je vais vous montrer comment écouter ça, moi, cette émission-là. Bon, vous l'avez peut-être reconnu, sinon entendu durant l'extrait, c'est l'émission Pop Citrouille avec l'acteur Ghislain Tremblay qui venait interrompre le générique de début et qui, en cours d'émission, allait revenir pour nous donner des consignes un peu absurdes. Donc, Pop Citrouille, c'était une émission qui attirait surtout les adolescents et les adultes grâce à une série de sketchs un peu absurdes. Et c'est dans cette émission que Norman Brathwaite avait pris le risque de présenter le clip d'une chanson intitulée « Les larmes de métal » de son groupe Soupir, qu'on peut facilement qualifier de pionnière du genre synth pop au Québec. Donc, pour bien débuter ce grenier pop, prenons le temps de réécouter ce succès musical de 83, Les larmes de métal, qu'on nous avait présenté dans Pop Citrouille. Je t'aime, je t'aime, c'est toi que j'aime. Pourquoi, pourquoi as-tu fait ça? Es-tu? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Dis-moi, dis-moi, pourquoi, pourquoi? Dis-moi pourquoi, pourquoi tu t'en vas? C'est une alarme, c'est un signal. Je casse tes larmes de métal. Mon cœur brisé et torturé. Reviens, reviens me consoler. Je crie, oui dans la nuit. Je crie ma tragédie. Je pleure pour toi mon cœur. J'ai peur, peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. Je casse tes larmes de métal. Mes larmes de métal. toi mon cœur. J'ai peur, peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. Je verse des larmes de métal. Je verse des larmes de métal. Je verse des larmes de métal. Je verse des larmes de métal. Je verse des larmes de métal. Non, on verse plutôt des larmes de nostalgie. Parce que les larmes de métal, c'est pas juste un cri rock du début des années 80. C'est un instantané d'une époque où le rock flirtait avec le métal, les cheveux longs, les jeans serrés et les refrains qu'on pouvait hurler au travers des fenêtres baissées. Et bon, en ce début de week-end, plutôt que de pleurer du chrome et de l'acier, on va surtout se souvenir et sourire. Le prochain titre d'émission jeunesse qu'on cherche est trop facile à deviner. Tellement facile que j'ai dû aller vous chercher le générique japonais pour compliquer un peu les choses. Ici, on parle d'une série japonaise de 115 épisodes, mais nous, au Québec, on a malheureusement eu droit à seulement 26 épisodes qui ont été traduits. Donc, on est loin d'avoir eu toute l'histoire. Et oui, au pays de Candy. L'histoire de Candy commence sur un ton dramatique. Un tout petit bébé est abandonné dans la neige au pied d'un arbre près d'un orphelinat tenu par Mademoiselle Pony et sœur Marie. À côté d'elle, une poupée portant l'inscription Candy. Cette même nuit, les deux femmes trouvent un autre bébé abandonné, Annie. Candy est blonde et Annie brune. Les deux fillettes grandissent ensemble à l'orphelinat et bien qu'elles ont des personnalités opposées, l'amitié qui naît entre les deux fillettes est si forte qu'elles se considèrent comme des sœurs. Malheureusement pour les fillettes, Annie est adoptée et comme ses parents ne veulent pas que les gens sachent qu'ils l'ont adoptée, elle se résigne à écrire une lettre d'adieu à Candy. Et bon, c'est l'une des nombreuses épreuves que vivra Candy au cours des 115 épisodes. Bon, l'histoire de Candy, c'est loin d'être rose bonbon, mais malgré le fait que certains épisodes nous faisaient pleurer, nous en redemandions et attendions impatiemment la suite du drame, tout en souhaitant que Candy trouve enfin le bonheur. Malheureusement, bon, depuis 1998, la série est interdite de diffusion dans tous les pays du monde à la suite d'une chicane entre la dessinatrice de l'œuvre et la scénariste de l'histoire. Donc, des épisodes qui sont plutôt difficiles à trouver, mais sur le site Animesama, on peut trouver la totale, les 115 épisodes. Et j'ai été écouter le dernier épisode, l'épisode 115. Candy retrouve finalement Terry, son grand amour, après de nombreuses séparations, malentendus et drames familiaux. Elle affronte toutes les épreuves qui la rendent célèbre pour sa résilience et sa gentillesse jusqu'à une fin heureuse et romantique. L'histoire se boucle donc sur les amitiés et les liens familiaux retrouvés, donnant une vraie conclusion à la série. Donc, je vous l'offre, la finale de Candy, qu'on n'a jamais pu entendre à la télé. Et voilà de la bonne tarte. Elle sort du four. Je vais faire les parts. Mademoiselle Pony. Pour Albert. Ah non, Mina, tu n'as pas le droit. Plus tard, s'il en reste. Oh, mais... Avant de commencer, Candy, tu pourrais peut-être proposer un toast et nous lèverons nos verres en cœur. D'accord, je propose un toast à tous ceux qui m'ont aidé et encouragé à suivre mon chemin pour devenir ce que je voulais être et que je suis enfin devenue. Je bois à votre santé. Et nous, à la tienne. À la tienne. D'Espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Caline est taquine, toujours jolie. En suivant le chemin qu'elle s'était tracé depuis son départ de la maison de Pony, Candy, par des voies souvent détournées et pleines d'embûches, est remontée aux sources pour y trouver enfin la paix et le bonheur. Bon, une bonne chose de fait, on sait maintenant que pour Candy, ça s'est bien terminé. Et si on continue dans les histoires qui nous faisaient verser toutes sortes de larmes, il y a un autre classique dans le même genre. Diffusé à la télé de Radio-Canada à partir de 1979, ce dessin animé japonais, adapté du roman de Hector Malot, nous plongeait dans les aventures d'un petit garçon orphelin, parcourant la France avec son fidèle compagnon, le chien Capi, et qui rencontrait toutes sortes de personnages, certains tendres, d'autres cruels. Avec ses 51 épisodes souvent tristes, ses séparations et retrouvailles, cette émission voulait nous montrer ce que voulait dire amitié, loyauté et d'avoir du courage face aux épreuves. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Je suis encore capable de chanter ce générique sans trop me tromper, comme de quoi je l'ai écouté pas mal. Et comment ça finit pour notre Rémi? Eh bien, est-ce que Rémi, lui, a droit à une fin heureuse comme Candy? Eh bien, pour votre information, toute la série est disponible sur YouTube. Je suis allé me rafraîchir la mémoire pour les épisodes finaux. Et voilà, après toutes ces aventures, après en avoir arraché pendant beaucoup trop d'épisodes, Rémi n'est plus l'orphelin perdu que l'on a rencontré au début. Il a découvert des morceaux de sa famille, retrouvé des amis et surtout, il reste fidèle à son fidèle compagnon Capi. Et à la fin, au lieu de s'installer tranquillement avec sa famille, Rémi reprend la route, comme pour nous rappeler que la vie est une aventure qui ne s'arrête jamais. Une semaine après le départ de Lise, tout le monde dans la maison s'apprête à regagner Londres. Ils sont partis? Oui, madame, ils sont partis tout seuls vers la montagne et ils ont refusé qu'un guide les accompagne. J'ai eu beau leur dire que c'était dangereux, ils sont partis quand même. Ils n'auraient pas dû. Le printemps est là, mais il fait encore très froid en altitude. Je regrette, madame. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais simplement te poser une question. Rémi, est-ce que tu es vraiment heureux en ce moment? Une maison grandiose, des dîners plus que délicieux, un bon petit lit douillet et surtout une famille chaleureuse. On a tout ça et moi je te demande si vraiment tu te sens heureux. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais j'aimerais savoir. Est-ce que tu es vraiment heureux, Rémi? Oui, je suis très heureux. Mais je sais pas. J'ai l'impression que je ne suis pas aussi heureux que quand je voulais devenir heureux. C'est curieux comme impression. Tu comprends? Si je comprends. Oh oui, alors. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je ressens exactement la même chose. C'est vrai que j'aime beaucoup Madame Milligan. Même que je n'en suis pas revenue quand elle m'a proposé de faire partie de ta famille. Mais tu sais, Rémi, j'ai mis longtemps avant d'accepter son offre parce que j'avais bien envie de refuser. Je ne sais pas comment t'expliquer exactement, mais j'ai l'impression que ça ne me fait pas tellement de bien d'être toujours entourée de gens aussi gentils et attentionnés. J'ai l'impression que je ne deviendrai jamais adulte. Adulte, comment ça? Écoute, Rémi, depuis que nous sommes avec Madame Milligan, on nous sert tous sur un plateau et nous n'avons plus rien à décider. Et quand on n'a rien à décider, on ne peut pas devenir adulte. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'est devenir des hommes responsables. Et j'ai l'impression qu'on y est presque arrivé, mais qu'on a peur d'aller plus loin, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Un homme doit apprendre à vivre par lui-même, disait Maître Vitalis. Oh. Un adulte ne doit compter que sur lui-même, il ne doit dépendre de personne. Je comprends maintenant ce que Maître Vitalis essayait de faire, vivre par lui-même. Mais oui, Rémi, continue ta route. Quitte ta cage et envole-toi vers la liberté. L'oiseau doit quitter son nid pour apprendre à voler. Et ça finit un peu comme ça, sur le rire effrayant. de Vitalis. Maintenant, une autre émission. Cette fois, on écoute pas le générique de début, mais plutôt ce qu'il y avait à la fin de l'émission. Et oui, après avoir écouté l'émission, ça se terminait toujours un peu de la même façon, avec un mini-documentaire de quelques minutes qui nous transportait immédiatement ailleurs et nous faisait découvrir le monde. Donc, on l'écoute et pour voir si ça vous permet de découvrir le nom de l'émission jeunesse. Aujourd'hui au Guatemala, on trouve des héritiers de la culture maya. Nous sommes dans l'ouest du pays, à près de 1000 mètres d'altitude, une région parsemée de vallées fraîches, parfaitement habitable pour l'homme. C'est dans un merveilleux paysage de lacs et de volcans que vivent encore aujourd'hui les descendants des Mayas. C'est là. Et oui, ça se finissait toujours un peu comme ça, un genre de mini-documentaire de quelques minutes avec une musique simili-mystérieuse qui venait nous titiller et qui, bien sûr, attisait ce sentiment d'excitation et de curiosité, nous donnant envie de regarder le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Maintenant, une autre série que j'ai adorée quand j'étais enfant et qui, durant la pandémie, a sorti de nouveaux épisodes après 33 ans d'absence. Moi, j'ai écouté dernièrement leur épisode de Noël. Je vous lis la description et ensuite un extrait pour vous aider à trouver le nom de l'émission. L'extrait va être en anglais. Il ne semble pas exister en français, et ce même si j'ai écouté l'épisode en français. Donc, ils attendent la première neige et les traditions qui l'accompagnent. Mais quand un seul flocon tombe et que Gobo n'arrive pas à composer leur chanson annuelle, ils partent pour la toute première fois dans le monde des humains, qu'ils appellent le cosmos, à la recherche d'inspiration musicale. Donc, on écoute l'extrait. So you are a... Fraggle. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. J'espère que vous les avez reconnus, c'est Fraggle Rock. Dans cet épisode, ils chantent avec la chanteuse Lily Pond. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé son nom. Mais bon, si vous les aimiez, ces Fraggle Rock, eh bien, les nouveaux épisodes sont tellement colorés et bien faits, c'est magique. C'est même meilleur qu'avant, donc notre souvenir reste intact à réécouter les nouveaux épisodes. Maintenant, on poursuit, toujours avec des marionnettes. On était quand même gâtés dans le temps. Les marionnettes étaient souvent à l'honneur dans nos émissions jeunesse. Et voici le Muppet Show avec notre invité du jour, le grand Elton John! Yahoo! Ah, je veux le voir aussi, attendez! Oh! C'est moi le premier, t'as triché. Et maintenant que la fête commence, sur le plus unique ici, fantastique ici, super chaud ici, mauvais ici, chaud de tous les temps. Le générique du Muppet Show est devenu culte parce qu'ils imitaient volontairement les vrais vieux spectacles de variété avec leurs rideaux rouges, les orchestres, le public imaginaire et les entrées de théâtre. Mais bon, tout ça avec la touche Muppet où tout était un peu chaotique avec plein de gags visuels et les personnages qui n'arrivent jamais à être sérieux plus de 3 secondes. Et ce qui est magique, c'est que dès les premières notes, on savait exactement où on était. Pas dans un simple show pour enfants, mais dans un vrai spectacle avec de la musique, de l'humour des invités et cette impression qu'on entrait dans un théâtre un peu fou, mais chaleureux. Et vous savez quoi? Le 23 janvier dernier, on a eu droit à l'annonce qu'ils seront de retour le 4 février pour un épisode spécial sur Disney+. D'après la bande-annonce, on peut voir comme invités spéciaux Sabrina Carpenter, Maya Rudolph et l'humoriste Seth Rogen, qui bien sûr vont être entourés de nos marionnettes préférées. Oh! Rolf, have you been playing this whole time? Well, what'd you think it was? Some kind of sentimental montage in your head? We're doing the show again, Frong. That's right. Oh my God, it's you. You're my idol. You're sweet. Go on. I grew up watching you. My parents grew up watching you. Their parents grew up watching you. We are so excited to be back where it all started and then ended. And then is maybe starting again, depending on how tonight goes. I've been burned before. It's the Muppet Show! And it starts right now! Maybe we're a little rusty. Isn't it wonderful being back in the theater and giving the people what they truly want? Moi? Right. It's always been a dream of mine to be here. Ooh. Got any other dreams? It's time to get things started. The most sensational, inspirational, celebration, motivational. We're still working out a few kinks. Oh, that's all right. I love a kink. Hola! This is what we call a Muppet Show! I can't believe they're doing the old show again. Well, if it ain't broke. No, they are broke. That's why they're doing it. Yep. Good to be back. Moi, j'ai déjà hâte d'écouter ce spécial et j'espère qu'il va y avoir assez d'intérêt pour déboucher sur de nouveaux épisodes du Muppet Show. Bon, comme on approche déjà de la fin de l'émission du Grenier Pop, que diriez-vous d'une dernière chanson chantée par le groupe Yellow Molo qui nous chante le générique d'une émission que j'adorais, Le Petit Castor? Il est de rue, s'amuser, jouer. Donc voilà, c'est déjà tout. On arrive à la fin de ce grenier pop. Je conclue en me disant que de se remémorer ces vieilles émissions jeunesse, ça fait quand même un peu de bien. Ça nous permet de commencer le week-end sur une belle note avec un peu de douceur et beaucoup de nostalgie. Avant de conclure, je vous rappelle que le bingo radio de CIBL, c'est tous les dimanches à 13h. 5 jeux, 3 500 $ en prix à gagner. Tous les points de vente pour les cartes sont disponibles sur le site de l'émission ou cibl1015.ca. Sur ce, merci d'avoir été là à l'écoute du Grenier Pop sur les ondes du 101.5 FM. CIBL, c'était Frédéric Lavoie à l'animation et Kermit à la console. Oui, d'accord, toi aussi la vache. La vache? Non, mais que... C'est dingue, c'est une vraie vache. Scooter! Oui, papa. Dis donc, je crois que j'ai un trou de mémoire. Il y avait une vache dans ce numéro. Non. Et alors, pourquoi il y a une vache dans les coulisses? Une quoi? Mais là, derrière toi, c'est une vache. Ah, et t'as vu, il y a une vache. Oui, je sais, merci. Comment est-elle arrivée ici? Elle a dû se faufiler sournoisement. S'est faufiler? Non, mais ça va pas. Bon, tant de savoir à qui elle appartient. Oh la vache. Plus des souvenirs, on fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Le grenier pop. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier qui recèle une multitude de souvenirs. Et cette semaine, on monte si haut dans l'échelle du grenier qu'on risque d'atteindre les étoiles. Et oui, cette semaine, avec la mission Artemis 2 qui est en branle, on va jaser de l'espace et de ce fameux retour de l'homme sur la Lune. Donc voilà, c'est le plan pour cette semaine, mais on débute en chanson. Et oui, c'est vendredi, il faut mettre un peu de bonne humeur dans ce retour à la maison. Allez, on monte le son un peu. Taking us higher, higher and higher. Shatter the silence. let the feeling flow. Let it flow. Spinning round and round in the disco glow. In the glow. Heartbeats in sync, burning like fire. Burning like fire. We're walking on air, taking us higher. Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bon, j'étais pas encore né quand Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune le 20 juillet 69 à 22h56 heure du Québec. Il fallait quand même du courage pour se rendre sur la Lune. Et là, ça fait plus de 50 ans qu'on n'y est pas retourné. La dernière fois, c'était en 1972. Avec le projet Artemis, c'est justement ce qu'on se propose de faire. Donc, voici les objectifs de ce projet. 1. Ramener des astronautes sur la Lune, dont la première femme et la première personne issue d'une minorité. Ensuite, on veut explorer la région du pôle sud lunaire où il y a de la glace d'eau. On veut construire des bases pour des missions plus longues et préparer les futures missions vers Mars en testant les technologies et les habitats sur la Lune. Ce qui est, à mon avis, une très bonne idée. Avant d'aller à des millions de kilomètres sur Mars, c'est pas une mauvaise idée de tester le matériel sur la Lune. C'est un peu moins loin si quelque chose ne fonctionne pas. Moi, je compare ça à du camping. Quand tu achètes une nouvelle tente, c'est pas mal mieux de la tester sur ton terrain la première nuit. S'il manque des morceaux dans la boîte ou qu'il y a des défauts, autant le savoir quand t'es pas trop loin du magasin. Donc, c'est un peu ça le projet Artemis. Et cette semaine, c'est la mission Artemis 2 qui se déploie. Ils sont 4, une femme, 3 hommes, dont le Canadien Jeremy Hansen qui, en s'installant à bord de la capsule Orion, deviendront les premiers humains du 21e siècle à retourner visiter la Lune. Donc, les premiers depuis 50 ans à pouvoir admirer la face cachée de la Lune de leurs propres yeux. Et cette mission, c'est comme une répétition avant l'alunissage. Là, on part tourner autour de la Lune et on veut tester que tout se passe bien, car on le sait, durant ce genre de mission, il peut arriver un peu n'importe quoi. Fusée lunaire, information sensationnelle. Les Dupont et Dupont sont dans la fusée. Ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous faites ici, mille millions de mille sabords? Ce que nous faisons ici, eh bien, nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Mais au fait, en parlant de départ, quelle heure est-il? Il est 2h du matin. Oh, très bien, nous avons encore tout le temps. Le départ est toujours fixé à 1h34? Mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. Ah, elle est bien bonne, celle-là, professeur. Je dirais même plus. Elle est très bonne. Durant la mission Artemis 2, qui doit s'envoler cette semaine si le beau temps le permet, plusieurs tests scientifiques doivent être réalisés là à bord de la capsule. Chaque astronaute y va porter un dosimètre et d'autres vont être placés à différents endroits dans la capsule afin de mesurer la pénétration des radiations à travers les matériaux. Ces mesures, on dit qu'ils sont cruciales car la radiation spatiale, là, c'est un des principaux défis à relever pour les voyages habités lointains comme un futur voyage vers Mars. Puis dans l'espace, bien, les astronautes sont exposés à plusieurs types de radiation. Il y a les rayons cosmiques galactiques. Ça, c'est des particules très énergétiques qui proviennent d'au-delà du système solaire et qui sont capables de traverser les matériaux classiques et d'endommager les cellules et l'ADN. Il y a aussi les particules solaires. Ça, c'est quand notre soleil est fâché et qu'il y a des éruptions solaires qui peuvent produire des doses importantes de radiation en quelques heures. Et il y a aussi les ceintures de Van Allen. Ça, c'est des ondes de radiation autour de la Terre à travers lesquelles les vaisseaux doivent passer avec prudence. Et pourquoi on s'inquiète de ces radiations? Eh bien, vous vous en doutez un peu. Les radiations peuvent provoquer maladies aiguës, cancer à long terme, perturbations neurologiques et endommager le matériel électronique sensible de la capsule. Donc, pour réduire les risques, les ingénieurs spatiaux, ils vont explorer différentes stratégies. Une des premières solutions qui va être montée à bord des capsules, c'est le blindage renforcé. Donc, ils vont utiliser des matériaux comme l'aluminium, le polyéthylène ou des composites riches en hydrogène qui absorbent les particules. Deuxième solution, ils appellent ça les zones refuge. Ça, c'est des compartiments spécialement blindés où les astronautes vont pouvoir se protéger lorsque des tempêtes solaires qui sont détectées. Donc ça va être un endroit à l'intérieur de la capsule où les astronautes peuvent aller, peuvent rentrer puis s'emmurer pendant que les radiations là, traversent la capsule. Ensuite, une autre des solutions qui est envisagée, c'est je lis qu'on peut jouer sur l'orientation et la trajectoire du vaisseau pour que les zones les plus protégées de la capsule, soient tournées vers la source de radiation. Sinon, d'autres solutions qui sont envisagées, là, des solutions futures. On parle de recherche sur des boucliers électromagnétiques ou sur des matériaux innovants comme des liquides ou des gels qui pourraient mieux absorber les particules. Donc ça, on pourrait en remplir les cloisons, puis les particules pourraient être bloquées là, par ces genres de gels quand ils traversent la capsule. Puis là, ce que je lis, c'est qu'en combinant ces mesures, la NASA espère protéger les astronautes sur de longues missions et préparer l'exploration de la Lune puis de Mars. Si on revient sur un des dangers de l'espace là, que je viens de mentionner rapidement, il y a les ceintures de Van Allen. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je ne connaissais pas. Puis d'après ce que je lis, ce sont deux zones autour de la Terre où des particules très énergétiques, principalement des électrons et des protons, sont piégés par le champ magnétique terrestre et, bon, traverser ces ceintures peut exposer nos astronautes à des doses de radiation importantes, ce qui fait que ça, c'est un des vrais défis pour les ingénieurs qui conçoivent les vaisseaux spatiaux. Donc, si vous restez à l'écoute, on va faire une petite expérience scientifique ensemble. Rien de bien dangereux, ben je crois pas en tout cas, mais scientifique malgré tout, vous pourriez quand même, au cours de l'expérience, vous sentir émotif ou heureux. Donc, on y va. Bien sûr, on peut pas vraiment traverser la ceinture de Van Allen. Après tout, vous êtes probablement assis dans votre voiture ou quelque part dans la maison, donc c'est difficile de vous envoyer dans l'espace. Mais ce que je peux faire, c'est vous faire traverser la ceinture de Van Halen, un groupe mythique avec une musique pleine d'énergie que vous allez devoir traverser comme un vrai mur de guitare et de solo électrique. Alors montez le son jusqu'au maximum de radiation tolérable et décollez avec moi. We'll be right back. maintenant à notre aventure spatiale. La mission Artemis 2 se déroule à bord de la capsule Orion, un vaisseau de 24 tonnes. Orion se compose de deux parties principales. Il y a le module de commande, où va séjourner l'équipage, et un module de service qui, lui, est fourni par l'Agence spatiale européenne, qui va assurer la propulsion et l'électricité grâce à ses panneaux solaires. Et le Canada, bien, on est aussi de la partie. Grâce à l'Agence spatiale canadienne, nous, on fournit le bras robotique Canadarm 3 qui va être utilisé pour manipuler les modules et les équipements lors des futures missions lunaires. Même si cette mission ne prévoit pas encore de sortie lunaire, notre contribution fait qu'on a le droit, nous aussi, d'être à bord de la capsule. Ensuite, la capsule Orion va être placée au sommet de la fusée SLS qui, elle, est coiffée d'une tour de sauvetage. Ça, d'après ce que je lis, c'est comme une fusée qui permet de propulser le module de commande loin de la fusée en cas de problème lors des premières minutes de décollage. Décollage, lui, qui doit avoir lieu sur le pas de tir 39B au Centre spatial Kennedy, le même qui a vu décoller les navettes spatiales. La fusée propulse Orion d'abord en orbite terrestre basse. Puis, après séparation du premier étage, le deuxième étage prend le relais pour atteindre une orbite plus haute et allongée. Ça, c'est un test crucial pour s'assurer que tous les systèmes de survie fonctionnent correctement avant de s'éloigner de la Terre. Durant cette période, les astronautes ils vont pratiquer des manœuvres manuelles, ils vont tester un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur là, de la capsule. Puis s'il y a un problème qui survient, ben, comme on est encore à portée de secours de la Terre, on peut toujours revenir. Donc, avant de se diriger vers la Lune, on va faire un petit tour de la Terre, histoire de vérifier là, qu'il n'y a pas trop de trous dans la capsule et que le grille-pain fonctionne correctement, parce que faire cuire des pop-starts spatiaux reste un essentiel durant ces 10 jours que dureront la mission. Ensuite, quand on est prêt pour quitter l'orbite terrestre, le module de service allume son moteur pour l'injection translunaire qui va donner à Orion la poussée finale pour se libérer de l'attraction terrestre. C'est pendant 4 jours de voyage vers la Lune que là, l'équipage peut réaliser différents tests physiologiques comme la prise d'échantillons de salive et vérifier les combinaisons spatiales. Même si aucune sortie dans l'espace n'est prévue pour cette mission, eh bien, ces exercices les préparent pour les missions futures. Le point culminant de cette mission survient au sixième jour lorsque la capsule Orion va survoler la face cachée de la Lune à plus de 10 000 km d'altitude. C'est à ce moment que les astronautes se retrouveront le plus loin de la Terre que n'importe quel humain aujourd'hui est allé. Donc, c'est un moment historique que les technologies modernes devraient permettre d'observer avec une précision là, qui devrait être supérieure au dernier voyage. Pour le retour, la capsule Orion utilisera la gravité lunaire pour amorcer la trajectoire vers la Terre. Enfin, la rentrée dans l'atmosphère va rester l'étape la plus critique de la mission. Donc, c'est au retour qu'il y a beaucoup de risques. La capsule va se séparer du module de service et va plonger à Mach 32. Donc, 32 fois la vitesse du son, ça c'est quasiment 40 000 km/h. Avec un bouclier thermique qui va se mettre à chauffer, qui va atteindre près de 2800 degrés Celsius. D'ailleurs, lors de la mission précédente, ce que j'ai lu durant la mission Artemis 1, les ingénieurs ont noté un phénomène un peu surprenant. Il y a une partie du matériau protecteur du bouclier qui s'est fissurée et détachée pendant la rentrée. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Ce bouclier, d'après ce que je lis, il est fait d'un matériau spécial qui doit s'user en brûlant, mais cette fois, des gaz produits à l'intérieur n'ont pas réussi à s'échapper comme prévu, ce qui a créé des fissures et entraîné la perte de morceaux du bouclier plutôt que la fonte uniforme que les modèles avaient anticipé. Heureusement, même avec ces morceaux partis, la capsule est restée bien protégée à l'intérieur. On l'a vérifié et les ingénieurs ont compris le phénomène. Pour Artemis 2, ils ont ajusté le profil de rentrée pour limiter ce comportement tout en s'assurant que le bouclier continue de faire son travail essentiel. Donc, j'espère que les ingénieurs auront bien refait leurs calculs. Sinon, on aura sûrement droit à une version orbitale de ce fameux sketch des têtes à claques où les Pop-Tarts finiront calcinés dans l'espace. Voyons. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. T'es déguisé en quoi, toi? Ben, Claude. Moi aussi. Oh boy, c'est minimaliste, votre affaire. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? On a coupé notre budget cette année, là. Ben, écoute, mon petit bozo, là. Tu veux-tu une citrouille, toi, devant ma porte? Non. Ben, pourquoi tu viens sonner ici? Ben, on veut pas une citrouille, on veut des bonbons. C'est parce que tu comprends pas, là. Vous êtes pas supposé aller sonner aux portes qui ont pas de citrouille. Ben voyons, non, c'est quoi ça? C'est un règlement de la ville? Ben, c'est pas un règlement de la ville, là. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Hey, arrête de niaiser, là. Donne-moi mes bonbons, puis fais ça vite, là. Je t'entends sur ma run, là. Hey, j'en ai pas de bonbons, là. Ben, donne-nous quelque chose, c'est l'Halloween. Viens, là, m'a donné la moitié de mon gré de cheese, là, puis tu sacs ton camp, OK? Ben, j'aime pas ça, les gris de cheese. As-tu des pop-tarts à la place? C'est bon, des pop-tarts. Des pop-tarts, j'en ai pas de pop-tarts! Ben oui, tout le monde a ça, des pop-tarts, là. Tout le monde a une vieille pop-tarts quelque part qui traîne dans l'armoire, là. Aïe, donne-moi une pop-tarts, là, on va être bien content. C'est bon, des pop-tarts. Hey, veux-tu me donner un bout de coupé dans le cul à la place, là? Ben là, si tu me touches, là, j'appelle le DPJ, puis ta face va être le cover du Journal de Montréal demain matin. Mais t'es un vrai petit démon, toi? Ah non, c'est un clown. Moi aussi. Ah oui. Donne-moi une pop-tart, s'il te plaît, on n'appelle plus. Donne-moi des pop-tart. Ben, donne-moi une pop-tart. Juste une pop-tart. C'est bon, des pop-tart? Donne-moi une pop-tart. Moi, j'aime ça, les pop-tart. Pour conclure notre voyage radiophonique vers l'espace, parlons un peu de la prochaine grande étape. On parle ici d'Artemis 3. Qui sera la première mission du programme Artemis à amener un équipage sur le sol lunaire. La première depuis les missions Apollo d'il y a plus de 50 ans. Cette mission est actuellement ciblée pour 2028 avec une fenêtre possible autour de septembre 2028 si tout se déroule comme prévu, donc c'est dans quand même pas si longtemps. La mission devrait durer environ 30 jours avec un séjour sur la Lune d'environ une semaine. L'équipage devrait être composé de 4 astronautes, dont 2 descendront sur la surface lunaire, et à bord, on s'attend à voir une femme fouler le sol de la Lune pour la première fois dans le cadre de ce programme. Pour y parvenir, le vaisseau lunaire Starship HLS de SpaceX doit être prépositionné en orbite lunaire et ravitaillé en carburant par plusieurs vaisseaux réservoirs. Une fois tous les préparatifs validés, le lanceur SLS mettra en orbite la capsule Orion avec son équipage à bord. Orion rejoindra ensuite le vaisseau lunaire HLS en orbite autour de la Lune. Ce scénario signifie donc qu'il y aura un vaisseau déjà en orbite prêt à accueillir Orion, ce qui permettra aux astronautes de transférer leur équipage et leur équipement vers le module lunaire avant de descendre vers la surface. Les deux astronautes descendront alors sur le pôle sud de la Lune à bord du HLS. La descente se fera en plusieurs phases. Ils vont passer d'une orbite haute à une orbite basse, ralentir, approcher le site d'atterrissage, puis effectuer la descente verticale finale. Sur place, ils devraient disposer de panneaux solaires, d'un astromobile pour aller se promener sur la Lune et réaliseront au moins 2 sorties extravéhiculaires d'au moins 4 heures. Le séjour lunaire durera donc 3 jours de plus que les dernières missions Apollo, avec la possibilité de ramener jusqu'à 26 kg de roches lunaires. À la fin de leur séjour, ils redécolleront du sol lunaire, rejoindront Orion en orbite et l'équipage complet rentrera sur Terre pour l'amérissage dans l'océan où des navires seront prêts à les récupérer. Mais bon, Artemis 3, ce n'est que le début. Les prochaines missions visent à établir une présence permanente dans la région du pôle sud avec des modules d'habitation, des systèmes de production d'énergie et des équipements pour utiliser les ressources lunaires sur place. Des astromobiles pressurisés permettront aussi d'explorer de plus grandes distances et les missions futures pourraient durer 30 à 45 jours. L'objectif final étant de préparer l'exploration humaine de Mars tout en développant des technologies durables pour vivre et travailler sur une autre planète. Ce retour sur la Lune n'est donc pas juste pour admirer le paysage ou voir les Dupont-Dupont sauter sur le sol lunaire main dans la main. Non, il s'agit de rester, explorer et apprendre afin de préparer l'émission interplanétaire du futur. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission du Grenier Pop. Merci d'avoir été là, c'était Frédéric Lavoie qui était avec vous. le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. Oh, pop, pop, pop.